الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc ceci est le deuxième cours dans la lecture du livre فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. Et au dernier cours, nous nous étions arrêtés donc au fait que le cheikh expliquait comment il a divisé son écrit, ce livre, en trois parties. Qu'il a consacré ce livre à trois types de sciences. La première, la science du tawhid et du dogme religieux. Le deuxième type de science auquel il a consacré, ou plutôt qu'il a abordé dans ce livre, c'est la science des bonnes mœurs et des qualités honorables. Et le troisième type de science, la science des règles concernant les adorations, les transactions et les relations. Et donc, nous nous étions arrêtés lorsque le shir il dit النوع الأول من علوم القرآن علم العقائد وأصول التوحيد. Donc le premier type de science parmi les sciences du Coran que le shir a abordé dans cet ouvrage, il dit c'est ilm al-aqaid wa usul al-tawhid, la science des dogmes et des fondements du tawhid, du monothéisme. Et il nous dit le shir wa hadha huwa ashraf al-ulum 'ala al-itlaq wa afdaluha wa akmaluha wa bihi tastaqim al-qulub 'ala al-aqaid as-sahiha wa bihi tasku al-akhlaq wa tanmu wa bihi tasihhu al-a'mal wa takmul. Donc il dit concernant cette science qu'elle est la plus noble des sciences. Elle est la plus noble de toutes les sciences. La meilleure et la plus parfaite. Et que par cette connaissance, les cœurs seront sur la croyance authentique, sur le dogme authentique. Et les comportements, par cette science, on va purifier son comportement et l'améliorer. Et également par cette science, c'est par cette connaissance que nos œuvres vont être valides et effectuées parfaitement. Puis il dit le shir wa mawdhu'u hadha al-'ilmi al-bahthu 'amma yajibu lillahi min sifat al-kamali ونعوت الجلال وما يمتنع ويستحيل عليه من أوصاف النقص والعيب والمثال وما يجوز عليه من إيجاد الكائنات وأنه الفعال لما يريد ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. Donc il nous dit que le sujet de cette science, c'est-à-dire ce que l'on étudie dans cette science, c'est la recherche de ce qu'il est obligatoire. La recherche de ce qu'il est obligatoire de reconnaître à Allah subhanahu wa ta'ala comme attribut de perfection et comme qualité de magnificence. Tout comme on recherche dans cette science, on recherche également ce qui est interdit et impossible concernant Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il est interdit et impossible d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala comme imperfection, comme défaut et comme ressemblance, ainsi que ce qu'il est permis de lui attribuer tel que le fait de créer et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Ce qu'il veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. وكذلك البحث عما يجب الإيمان به من الرسل وصفاتهم وما يجب لهم ويمتنع في حقهم ويجوز. Également dans la science du dogme authentique et la science du tawhid, également on va rechercher ce dont il est obligatoire de croire, tels que les prophètes et leurs caractéristiques, ce qu'il est obligatoire de leur reconnaître, ce qu'il est interdit et ce qu'il est permis les concernant. والإيمان بالكتب المنزلة على الرسل. Également, parmi les choses qu'il est obligatoire de croire et qui font partie des sujets qui sont étudiés dans la science de la aqida, la science du dogme et du tawhid, tout ce qui concerne la foi au livre qu'Allah a fait descendre sur les prophètes. Tout ce qui concerne donc la foi au livre qu'Allah a fait descendre sur les prophètes. C'est également étudié dans la science du dogme. والإيمان بما أخبر الله به وأخبرت به رسله عن الحوادث الماضية والمستقبلة. Et également, dans cette science, on va rechercher tout ce qui concerne la foi à tout ce dont Allah nous a informé et ce dont nous ont informé ses messagers parmi les choses passées et les choses futures. وعن الإيمان باليوم الآخر والجزاء والثواب والعقاب والجنة والنار وما يتبع ذلك ويتعلق به. Et également est étudié dans la science du dogme tout ce qui concerne la foi au jour dernier et la rétribution, la récompense et le châtiment selon les œuvres, et tout ce qui concerne le paradis et l'enfer, et tout ce qui est rattaché à cela, tout ce qui est rattaché à tout ce qui précède, tout cela est étudié dans la science du dogme et la science du tawhid, du monothéisme. Et c'est pour cela que le cheikh il dit: فهذه مجملات مواضيع هذا العلم الجليل. Donc ceci, tout ce qui a été cité précédemment, ce sont globalement les sujets qui sont étudiés dans cette noble science, qui est la science de la aqida, la science du dogme authentique et la science du tawhid. Puis il dit le shir, والقرآن العظيم قد بين هذه الأمور غاية التبيين ووضحها توضيحا لا يقاربه شيء من الكتب المنزلة. Il dit donc que le noble Coran a exposé ces choses citées précédemment d'une manière parfaite et il les a clarifiées comme aucun autre livre révélé par Allah subhanahu wa ta'ala et descendu par Allah subhanahu wa ta'ala ne les avait clarifiées auparavant. ولم يبقي منها أصلا إلا بينه وجمع فيه بين البيان والبرهان بين المسائل المهمة الجليلة والبراهين القاطعة العقلية والنقلية والفطرية. Le cheikh il nous dit ici que donc le Coran n'a pas laissé un seul de ses fondements, les fondements de la foi et du dogme. Le Coran n'a pas laissé un seul de ses fondements sans l'expliquer, en alliant l'exposé avec la preuve. En alliant l'exposé avec la preuve. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué les questions importantes du dogme en citant également à cela les preuves incontestables par la raison, par les textes et par ce qui est inné chez l'être humain. Il a apporté les preuves de la raison, les preuves des textes et les preuves de ce qui est inné chez l'être humain, ce que l'être humain connaît de nature, sans avoir besoin d'étudier. Donc le cheikh, il nous explique ici que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué le dogme authentique, la croyance authentique, la foi authentique, d'une manière parfaite, en nous prouvant tous ces points par des preuves qui sont soit des preuves de la raison, soit des preuves par les textes révélés, les textes divins, ou soit en nous citant des preuves qui se trouvent innées chez l'être humain. Puis il nous dit « وَهَذَا النَّوْعُ أَقْسَامٌ » Et ce premier type de science du Coran, qui est la science donc des dogmes et du monothéisme, donc ce premier type de science du Coran, il est composé de plusieurs parties. Il y a plusieurs sous-parties à cela. Il nous dit Awwaluha wa muqaddamuha علم التوحيد. La première partie de cette science, la science du dogme, la première partie de cette science est celle qui prime, celle qui passe avant toutes les autres sciences. Il nous dit علم التوحيد. La science du tawhid, la science, la connaissance du monothéisme. Puis il nous dit وهو العلم بما لله من جميع صفات الكمال، وأن الرب تفرد بها، وأن له الكمال المطلق الذي لا تقدر القلوب أن تبلغ كنهه، ولا الألسن على التعبير عنه. Donc la science du tawhid, il nous dit le shaykh, c'est la science et la connaissance de tout ce que possède Allah subhanahu wa ta'ala comme attribut de perfection, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à avoir, à posséder. Et qu'il a la perfection absolue. Dont les cœurs ne peuvent en concevoir, dont les cœurs ne peuvent en concevoir pleinement, ne peuvent en concevoir concrètement la réalité. Car Allah subhanahu wa ta'ala a la perfection absolue, dont les cœurs ne peuvent en concevoir concrètement la réalité. Et ni même les langues ne peuvent l'exprimer en détail. ولا يقدر الخلق على الإحاطة ببعض صفاته فضلا عن جميعها. Et les créatures ne peuvent embrasser la connaissance de tout ce qu'implique, les créatures ne peuvent englober et embrasser la connaissance de tout ce qu'implique certaines des qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, certains de ses attributs, et encore moins leur intégralité. C'est-à-dire que les créatures ne peuvent pas connaître pleinement tout ce que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala impliquent dans la création. Puis il nous dit wa hadha al-ilm, c'est-à-dire l'ilm al-tawhid, mabniyun ala i'tiqadin wa ilmin wa ala ta'alluhin wa amalin. Et cette science, la science du tawhid, il nous dit, le shirk, elle est basée, d'une part, sur une croyance et une connaissance, et d'une autre part, sur une adoration et des actes. Ici, donc, le shirk, il nous fait une allusion au fait que le tawhid se subdivise en deux choses. Il y a d'un côté ce qu'on appelle le tawhid, le tawhid ou l'ilmi, le tawhid, l'ilmi, le khabari, l'irtiqadi. Il y a donc le tawhid de la connaissance et de la croyance, qui comprend l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie, qu'il est le seul seigneur, et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs, qu'il est le seul à avoir. Donc ça c'est at-tawhid al-ilmi ou al-khabari, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala par la connaissance. En connaissant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est le seul Seigneur et qu'il a les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits. et qu'il n'a pas d'égal dans tout cela. Quant au deuxième type de tawhid, dont le shirk, auquel le shirk fait allusion ici, c'est ce qu'on appelle « al-tawhid al-amali ». « Al-tawhid al-amali »« Al-qasdi al-ta'abudi ». C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala par les actes. Par les actes, la volonté et l'adoration. Et c'est ce qui est également appelé Tawhid al-Uluhiyya ou bien Tawhid al-Ibad. Unifier Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration. Ni par les actes d'adoration. C'est pour cela qu'il nous dit donc que cette science, elle est basée sur, d'un côté, une croyance et une connaissance, qui est donc At-Tawhid al-Ilmi, et de l'autre côté, par une adoration et des actes, qui est At-Tawhid al-Amali. Le premier, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala par la connaissance, en le connaissant comme étant le seul Seigneur et celui qui a les noms et les attributs les plus parfaits. Et de l'autre côté, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration, par les actes. Donc il nous dit le shirk pour développer cela. Amma l'i'tiqad wal-ilm fa an ya'taqid al-'abd أن جميع ما وصف الله به نفسه من الصفات الكاملة ثابت لله على أكمل الوجوه وأنه ليس لله في شيء من هذا وأنه ليس لله في شيء من هذا الكمال مشارك. Donc quant à la croyance et la connaissance, c'est que ceci consiste à ce que le serviteur croit à tout ce dont Allah subhanahu wa ta'ala s'est qualifié comme attribut de perfection. Tu dois croire que toutes ces choses dont Allah subhanahu wa ta'ala s'est qualifié, eh bien, elles sont bien affirmées à Allah subhanahu wa ta'ala de la manière la plus parfaite. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun associé dans ses noms et ses attributs. Wa annahu munazzahun an kulli ma yunafi hadha al-kamal wa yunaqidhu. مما نزه به نفسه أو نزهه رسوله صلى الله عليه وسلم. Tout comme tu dois croire également qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de tout ce qui s'oppose à cette perfection, tout ce qui contredit cette perfection ou qui annule cette perfection, Allah subhanahu wa ta'ala en est exempt. Les choses dont Allah subhanahu wa ta'ala Les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est nié à lui-même, ou que son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui a nié. L'exemple de cela, les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est nié à lui-même, comme dans Ayat al-Kursi, lorsqu'il nous dit « La ta'khudhuhu sinatun wa la na'um » Ni somnolence, ni sommeil ne le prennent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est nié d'être pris de somnolence ou de sommeil. Donc fait partie du tawhid de nier à Allah subhanahu wa ta'ala ce que lui-même s'est nié comme somnolence et comme sommeil. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne dort pas et ne somnole pas. Et à titre d'exemple également, parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nié à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'Allah soit borgne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, le hadith de Dajjal, le hadith du faux messie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons radiallahu anhum que le Dajjal, le faux messie, était borgne, alors que votre Seigneur n'est pas borgne. Donc ça, c'est un signe apparent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné du faux messie, comme quoi il était borgne, et afin que le croyant ne soit pas trompé par les miracles que le faux Messie aura, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que pour que vous sachiez que ce n'est pas votre Seigneur, que ce n'est pas votre Dieu, sachez que votre Dieu, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas borgne. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nié qu'Allah soit borgne. Et de là, fait partie de la croyance et du tawhid, de nier cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le cheikh il nous dit wa amma at-ta'alluhu wal 'amal fa an yataqarraba al 'abdu ila rabbih bi a'malihi adh-dhahirati wal batina ila Allah wa yukhlisaha li wajhihi wa yuniba ilayhi. Quant donc à l'adoration et aux actes, qui est donc la deuxième partie de ce que comprend la science du tawhid, ou de ce sur quoi est basé le tawhid, le shir il nous dit donc que l'adoration et les actes, c'est que le serviteur se rapproche de son Seigneur par ses actes apparents et cachés, ses actes extérieurs et avec les membres, et ses actes du cœur. Il se rapproche de son Seigneur par ces actes-là. Et il est sincère envers lui, ne recherchant que sa satisfaction. Et il se repent à lui. Et qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala par amour, crainte et espérance. Par crainte de son châtiment et de sa colère, et par espérance en sa récompense et son agrément. Fayaqsidu wajhahul a'la bima ya'taqiduhu min al-aqa'id as-sahiha wa bima yaqsiduhu wa yuriduhu min al-iradat as-salihah min al-iradat as-salihati والمقاصد الحسنة التابعة لأعمال القلوب وبما يعمله من الأعمال الصالحة الراجعة للقيام بحقوق الله وحقوق عباده وبما يقوله ويتكلم به. Donc, le serviteur, il doit rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala par toutes ces choses. Par ce qu'il y a dans son cœur et par ses actes extérieurs. Ce qu'il y a dans son cœur comme croyance authentique, tu cherches à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en ayant comme conviction cette croyance authentique, que ce soit ta croyance, et également les actes du cœur, la volonté du cœur, les bonnes volontés. Tout cela donc fait partie des actes du cœur que tu dois faire sincèrement et uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et également les actes que tu accomplis avec tes membres, toutes les bonnes actions que tu fais, qui reviennent au fait de respecter les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et respecter les droits des créatures. Et également ce que tu dis avec ta langue, ce que tu prononces Et le cheikh, il donne après des exemples de cela, d'adorations qui sont effectuées avec la langue. Il dit « Min dhikri Allahi wa thana'i alayhi wa qira'ati kalamihi wa kalami rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa kalami ahli al-ilm alladhi yarji'u ila dhalik » Donc il te dit comme l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, le dhikr, le fait de faire ses éloges, comme le fait de lire son livre, de lire sa parole, le Coran, ou de lire la parole de son messager, les hadiths, sallallahu alayhi wa sallam, ou de lire les paroles des gens de science, qui revient à cela, qui revient à la parole d'Allah et à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les gens de science, les gens qui ont, les savants qui ont la connaissance du Coran et de la Sunna, le fait de lire leurs paroles également, tout cela entre dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois rechercher par là la satisfaction d'Allah. ومن الكلام الطيب والنصح للعباد في أمور دينهم ودنياهم. Également, toutes les bonnes paroles que tu peux dire et le fait de porter conseil aux créatures dans les choses concernant leur religion ou concernant leur vie quotidienne. ومن ذلك تعلم العلم تعلم العلوم النافعة وتعليمها. Et entre dans cela, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'apprentissage des sciences bénéfiques et leur enseignement, ainsi que leur enseignement, de les apprendre, de les étudier, d'étudier toute science bénéfique, puis de l'enseigner. فكل هذه الأشياء يبتدي الشيخ فكل هذه الأشياء يجب إخلاصها لله وحده وبتمام الإخلاص يتم التوحيد والإيمان. Toutes ces choses, donc, il est obligatoire de les accomplir sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, car en concrétisant la sincérité dans cela, on concrétise le tawhid et la foi. Puis il termine ce passage. Il termine ce passage en disant: فَبِهَذَا التَّقْرِيرِ يَكُونُ التَّوْحِيدُ يَرْجِعُ إلَى أَمْرَيْنِ تَوْحِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَيَدْخُلُ فِيهِ تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ وَهَذَا يَرْجِعُ إلَى الْعِلْمِ وَالْاعْتِقَادِ وَتَوْحِيدُ الْإِلَهِيَّةِ وَالْعِبَادَةِ وَهَذَا يَرْجِعُ إلَى الْعَمَلِ وَالْإِرَادَةِ عمل القلوب وعمل الأبدان كما تقدم. Donc, avec ce que nous venons d'établir, il nous dit le shir, le tawhid donc revient à deux choses. La première, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les noms et les attributs, et entre dans cela l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie. Il est le seul Seigneur. Et ceci donc revient à la connaissance et la croyance du cœur. Et la deuxième des choses à laquelle revient le tawhid, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et ceci revient aux actes et à la volonté. Ce que tu recherches à travers tes actes, que ce soit les actes du cœur ou les actes des membres du corps, comme nous avons dit précédemment. Puis le cheikh, il explique ici donc ce deuxième type de tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration. Il dit wa yusamma tawhid al-ilahiyya li'anna al-ilahiyyata wasful bari ta'ala. Donc c'est appelé ce tawhid, il est appelé tawhid al-ilahiyya, l'unicité de la divinité, car la divinité est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yusamma tawhid al-ibada li'anna al-ibada wasf al-'abd al-muwahhid al-mukhlis lillah fi في أقواله وأعماله وجميع فعوله. Et on l'appelle également le tawhid de l'adoration, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, car l'adoration est ici l'attribut du serviteur monothéiste qui est sincère et qui voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses paroles, ses actes et tout ce qu'il fait. Et à la fin, le cheikh dit « Wal Qur'an al-Azim yakadu kulluhu an yakuna taqriran li hadhihi al-usul al-azima wa daf'an lima yunaqidhuha wa yudadduha min at-ta'til wa at-tashbih wa at-tanqis wa min ash-shirk al-akbar wa al-asghar wa at-tandid. » Il dit le noble Coran pratiquement dans son intégralité est venu établir ses fondements les fondements du dogme authentique du dogme du tawhid. Donc le Coran est venu pour établir ses fondements et pour rejeter tout ce qui les contredit ou qui s'y oppose, comme la négation des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou le fait de le faire ressembler à ses créatures, ou de diminuer de sa valeur, et comme également le polythéisme majeur, le polythéisme mineur, ou le fait d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala un égal. Donc le cheikh, il te dit que pratiquement tout le Coran est venu pour établir cela, pour établir les fondements du tawhid. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, c'est là-dessus que je vais finir le cours d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, il nous parle de cela. Et il nous dit carrément que le Coran entièrement, le Coran dans son intégralité, est venu établir que le tawhid, que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans son livre Madarij al-Salikin, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous dit: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه. Tout verset du Coran inclut le tawhid, inclut le monothéisme, en témoigne et y appelle. Tout verset dans le Coran inclut le monothéisme, en témoigne et y appelle. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري. Il explique cela en disant: car certes le Coran, dans le Coran, tu trouveras soit une information sur Allah subhanahu wa ta'ala, ses noms, ses attributs et ses actes. Et ceci, c'est le tawhid al-ilmi. C'est le tawhid par la connaissance et l'information. Wa imma da'watun ila ibadatihi wahdahu la sharika lah wa khal'i kulli ma yu'badu min dunih. فهو التوحيد الإرادي الطلبي. Ou alors, si ce n'est pas une information sur Allah, ses noms et ses attributs et ses actes, ça va être un appel à l'adorer lui seul, sans lui attribuer d'associé, et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le monothéisme de la volonté, ce que tu recherches par ton cœur. Puis dit wa imma amrun wa nahyun wa ilzamun bi ta'atihi fi nahyihi wa amrihi fa hiya huquq at-tawhid wa mukammilatihi wa mukammilatuhu. Ou sinon, ce sera un ordre ou une interdiction et un appel à rester dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il a interdit ou dans ce qu'il a ordonné. Et ceci fait partie des droits du tawhid et des choses qui viennent le compléter. Wa imma khabarun an karamati Allah li ahli tawhidihi wa ta'atihi wa ma fa'ala bihim fi dunya wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah fa huwa jaza'u tawhidihi. Ou alors, dans le Coran, si ça ne rentre pas dans ce qui a été cité précédemment, il te dit, ça va être soit un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala t'informe des miracles et des mérites des gens qui auront concrétisé le tawhid, des gens qui ont concrétisé le tawhid et qui lui ont obéi, ce qu'il a fait pour eux sur terre et ce par quoi il les honorera dans l'au-delà. Donc ceci, c'est la récompense du tawhid, la récompense du monothéisme. Wa imma khabaru an ahli shirki wa ma fa'ala bihim fi dunya min an-nakali wa ma yahillu bihim fi al-uqba min al-'adhab fa huwa khabarun amman kharaja an hukm at-tawhid. Ou alors, ce sera une information sur les polythéistes et ce qu'Allah a fait d'eux sur terre, ce par quoi il les a punis sur terre et ce qui va leur arriver dans l'au-delà comme châtiment. Et ceci, donc, c'est une information de ce qui attend celui qui est sorti du tawhid. Et c'est pour cela qu'il termine en disant Ibn Qayyim rahimahullah, fal Qur'an kulluhu fi at-tawhid wa huquqihi wa jazaihi wa fi sha'n ash-shirk wa ahlihi wa jazaihim. Donc le Coran tout entier, le Coran dans son intégralité, parle du tawhid, du monothéisme, de ses droits et de sa récompense, et parle du polythéisme des polythéistes et de leur rétribution, leur châtiment. Sur ce, le cours d'aujourd'hui se termine. Ouais, j'étais un petit peu plus long que prévu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين.